Certainement, mademoiselle. Ce pyjama-ci est à vous, mademoiselle. Oui, mon frère ne porte pas de pyjama rose. Et tous ces mouchoirs? Ils sont marqués. Ah oui, en effet. M.C. Alors, ces mouchoirs-ci sont à vous. Et ces mouchoirs-là sont à votre frère. C'est ça. Attendez, je ne vois pas d'initiales sur cela. Vous croyez? Il y a des initiales, mais elles sont toutes petites. Ce sont les vôtres. Vous avez beaucoup de clients, et si nos affaires se mélangent avec les leurs, je perds toujours tout. Nous ne perdons jamais le linge de nos clients. Nous mettons un cachet sur leurs affaires et sur les nôtres. Alors, il n'y a aucun risque. Nous n'avons jamais rien perdu. Voilà votre reçu. Attention, mademoiselle, ne perdez pas votre reçu. Tellement de clients mettent leur reçu dans une poche et le perdent.